La table du Ferment Lab devant vous est l'objet le plus volumineux et la pièce maîtresse de notre installation. Sur elle sont posés tous les éléments issus des différentes expérimentations qui ont pris place au cours de notre résidence. Cette table provient de chez Emmaüs. Nous voulions une table qui porte un petit peu un héritage culturel, une table qui trancherait un peu avec le décor autour qui est plutôt d'aspect industriel.